Leurs valeurs, je les comprends pas. Dans notre rap, y'a pas de trompas. Et même si ça prend pas, j'avance avec mes grands compas. Pour eux, l'humain, ça compte pas. Pourtant, le partage, c'est la base. Pierrot, remonte la base, que je fasse pas un couplet lambda. Avant, fallait du talent, obligé d'être polyvalent. Maintenant, t'es certifié diamant seulement en avalant. Frère, leur phrase est navrante, c'est énervant, tant de bassesse. Génération Bassem, la SACEM, c'était mieux avant. On va dire que je suis amer ou pire, que je ne suis qu'un rageux. Vu mon âge, je suis de ceux pour qui le rap n'est qu'un jeu. On idolâtre le jeu, je suis pas de ceux qui sniffent lassé. Votre pensée m'a lassé, faut se baisser pour la ramasser. On vient casser le décor car le feeling s'est fait tout seul. À nous seuls, on fout le seum et Anesta si c'est Delport. Je fais pas du rap hardcore, même si je règle toujours au sous-sol. Et si je perds pas le nord, c'est que je suis tombé sur la boussole. Hey yo, c'est Chema, sale puriste, tu connais le refrain. Radio est une torture et c'est la même pour tous mes refrains. La merde fleurie, rien de récent, Mando poteau 700. Devenu sexy, Barbara Streisand. Ça joue les divas, ça nie ceux qui se racontent en or. Ça squatte sur tout le divan, tous leurs clips se finissent en porno soft. Un vrai problème. Et je crois qu'il faudrait mettre le doigt dessus. J'ai l'impression que toutes ces moiselles ont bien peur du tissu. La toile tissée chez les raclos, c'est pas mieux. Univers impitoyable, c'est pas celui de Dallas, mais des talons. Ça joue les grands penseurs. V'là comme exemple, ça c'est riche, mais ça envoie MP de sa bite à des gamines de 14 piges. Bande de charognards qui lance sur le rôle prédateur. C'est Bjorn sur sa sécu, MC a besoin d'un accompagnateur. Apprends à les choisir, à défaut, faut pas les rencontrer. En vrai, les rappeurs font toujours plus grand à la télé. Vas-y, penche-toi, file une oreille, je vais te rappeler d'où le bon rap provient. J'écoute pas trop la soupe, d'après les sourds, paraît qu'ils rappent trop bien. C'est pas ma cam, non, appauvri lyricalement. Le bon peu rap pour moi, c'est d'excitant autant que de calmant. Je préfère me taire, vu tous les types qui polluent l'air. Je les écoute pas, j'ai déjà mon stock de Samsonite sous globulaire. Je prends mon temps, les plus feignants produisent de la merde en kill. Je prépare ma place au-dessus des lois d'un pur mercantile. Ils recherchent le vécu, je vis ma vie et c'est déjà suffisant. Maintenant, si tu rappes mal, suffit d'un clip pour sembler surpuissant. Je suis bien où je suis, tu l'auras pas si tu laves ma place. Tu voulais du bon rap, demande Nesta, Pierrot et tu ma place. Devant ma glace, je revois ma gueule et des souvenirs fondus. Je suis devenu froid pour conserver quelques sourires vendus. J'ai vu que les vérités dépendent de la bouche par laquelle les mots sortent. Rapper les miennes, c'est comme une boucle, casser les mon sort. Casser les mon sort.